Luxe. C'est que je suis luxé sous mon bonnet, luxé sous ma skate. Gars, c'est que t'as plus d'abonnés, mais qui te connaît dans ton check. Là je fais du le ça dans la foulée. T'es envoûté, bouge la tête. Tout est noir dans mon revêt. Je fais des lovés dans ta fête. Fête, wow, ma stage roll up. Je kick la prod de Rola. J'suis pas là pour décorer, j'ai de la dorée, du bon taga. J'suis dans le bloc avec mes OG, j'suis dans le local, y'a de la droga. Rexan Jokaline, chill, j'suis dans le choc à shit. Pour ses pères, faut de la chatte, arrache fait ta comment shit. J'n'ai tour dans la ville avec un meugra dans le jean. JS dans les poches, c'est comme ça j'fais le vide. Tu sais pères, fais le pop, désert dans la vide. Ah, vas-y, coupe ça. Famille, j'suis aux pièces et sous le baby. On a bien plus que Fanny. Et t'en perds tes canines, Janine. J'suis sûr qu'elle est maline. Fuck la brigade canine, on peut dire ça que dans le rap. Toi t'es trap, ton flow pue la merde. Que des frères autour de moi, c'est sincère et c'est nécessaire. Avec Dom, roule un cône. Toi ton gava, il est vilain, mais il paye sa villa. Je me mets à dealer sur scène comme Attila. Je donnerai pas mon cul pour le cash, mino. Je me surpasse avec mon binôme, je l'ai défoncé dans ce grand mobilhome. Et non, fais pas gâte à tête, t'embrouille pas pour 2-3 schnecks. À la fin, pense à ton chèque. Oh, chèque.